Le rire frais des jeunes filles par J.H. Rony Aîné. La ville était morte, fit le lieutenant Mangel, et tandis que je marchais entre deux rangs d'hôtels taciturnes, dont toutes les toitures étaient défoncées, j'avais confusément la sensation d'être dans quelque herculanum chrétienne, inhabité depuis plusieurs siècles. Au fond, la cathédrale montrait ses tours déchiquetées, et ce vaste portail où les dentes de la pierre ou laisser l'empreinte d'un génie naïf, féerique et innombrable. Les bombardements n'empêchaient pas l'herbe de croître entre les pavés de porphyre, ni les plantes pariétaires de fleurir sur les vieilles murailles. Des passereaux pépiaient parmi les gouttières tordues. Un grand voile de corneilles croissait dans le ciel d'étain et de bitume. Il y avait aussi des hommes, on ne s'en amusait pas tout de suite. Mais des fumées timides sortaient des tranches cheminées au ras du sol. Ce jour-là, les Allemands ne bombardaient pas la ville, et comme j'arrivais sur l'ancienne place d'armes, devant le beffroi, je vis trois créatures verticales qui clopinaient au long du trottoir en contournant les trous creusés par les obus. C'était un vieil homme et deux vieilles femmes. Leurs faces avaient la couleur des chicorées de cave, leurs yeux étaient dépolis, craquelés et clignotants. Tous trois étaient vêtus de vêtements sombres qui semblaient faits avec du noir de fumée. Une barbe jaune jaillissait sur les joues de l'homme, comme le lichen sur les pierres erratiques. D'abord, ces bourgeois fantômes ne parurent pas me voir. Ils échangeaient par intervalles une parole basse qui ressemblait à un souffle. Et chose singulière, ils portaient des provisions, parmi lesquelles on pouvait discerner un pain en forme de tourte, vraisemblablement sorti d'une boulangerie souterraine. Ils étaient arrivés à l'autre extrémité de la place, près de l'hôtel de ville, dont la tour pointue avait disparu, ils allaient obliquer par la rue des lanceurs de pierre lorsque l'homme tourna vers moi son regard qui semblait sortir d'un soupirail et murmura « Peut-être n'avez-vous pas déjeuné, monsieur ?» La surprise m'empêcha tout d'abord de répondre. Les trois visages livides formaient un triangle qui m'enveloppait presque et qui était fantasmagorique. « Non, fis-je enfin, je n'ai pas encore déjeuné. » Le bourgeois ôta son chapeau et reprit avec une gravité falote « Ne voulez-vous pas nous faire l'honneur de déjeuner avec nous ?» Tout soudain, il me prit une grande curiosité comme un désir mystérieux. « Je vous remercie infiniment, dis-je. Cela me serait très agréable. » Il s'inclina et se mit à trottiner autour de moi. Nous franchîmes la rue des lanceurs de pierre qui n'était qu'une suite de décombres, et nous nous arrêtâmes au numéro 7 de la rue des Arbalétriers Saint-Magloire. La porte était défoncée. Un grand trou coupait en deux le corridor. On y avait posé une forte planche que nous franchîmes tous quatre, les dames d'abord. Puis, par un escalier de granit, nous descendîmes dans une large cave voûtée. L'homme alluma six petits cierges en disant « Nous en avons encore 1000 ». Une des dames posait une bouilloire sur un fourneau dont le tuyau montait le long du mur couleur de rouille. L'autre dame atteignit un moulin à café et une boîte de fer blanc et se mit à moudre. Puis elles sortirent une jarre pleine de beurre salé et disposèrent une nappe blanche sur une table d'acajou du temps de Charles X. Lentement, cette table se couvrit de petites assiettes de vieux Rouen, de jolies tasses peintes à l'intérieur, d'une menue argenterie des autres siècles. Les six cierges jetaient une lueur sépulcrale, ou plutôt une lueur d'église, et à mesure que l'odeur du café se répandait dans la cave, il venait une espèce de douceur grave et indiciblement familiale. « Voilà, monsieur, » dit enfin la plus jeune des deux dames, je vous prie de croire que ce petit repas fut délicieux. Le pain était encore chaud, le beurre salé avait bon goût, le café venait de la Martinique. J'avais grand faim. Pressé par mes hôtes, je mangeai quatre larges tartines. Puis nous causâmes et je découvris que ces vieilles âmes étaient toutes parfumées d'espérance, et aussi persuadées de notre victoire finale que de la résurrection de notre Seigneur et de la récompense des justes. Tout de même, peu à peu, la mélancolie de l'endroit commença de me peser sur les épaules. J'allais partir lorsqu'il advint une chose charmante et qui, dans cette cave, à la lueur jaune des six cierges, me parut miraculeuse. J'entendis d'abord des pas furtifs sur le trottoir, dans le corridor et sur les marches de granit. Ensuite, ce furent des chuchotements, un petit rire argenté, puis de grands rires frais, de grands rires de jeunesse, de grâce et d'innocence, des rires qui évoquèrent les féeries du printemps, les frémissements des végétaux, les eaux claires qui coulent entre les rives verdissantes. Soudain, Elles entrèrent dans la cave et demeurèrent là, confuses, rougissantes, dans leur candeur enchantée. Elles n'étaient pas vêtues de noir comme les vieillards, mais d'argent sombre. Avec leurs chevelures d'ambre, de soleil et de moisson, leur teint de liseron dans la rosée, la pulpe écarlate des lèvres et les yeux d'où s'échappait le feu des saphirs d'Orient. C'était, à la lueur vacillante des cierges, tous les grands rêves de l'homme, tout ce qui parfume et divinise la vie. Je vivrai 1000 ans. J'entendrai leur rire argenté. Je les verrai dans la cave lumineuse. Leur image est au fond de moi comme une émanation sacrée, comme un symbole magique de la France éternelle. C'était Le rire frais des jeunes filles par J.H. Rony-Aîné.